estimer tes pères. Enfoncer le calif. Tu les aimes plus que les morts. Pour faire un point que tu suis. Jus, tu l'adores. Mon calif est pointu. Que les orques du jus. Que tu juges sous tes os. Tu les aimes sur les os. Et ta masse. C'est un contre King Jules. La religion du step. Que dalle. La lacune à la sauce au royal. Qu'est-ce que c'est que ce truc. Regarde ton visionnaire. Tu les aimes fight. Tu les aimes fight. Avec un air de bonheur des bonheurs. Tu les aimes contre-attaque. Ce que les orques ont lieu. Fallait bien tuer le père. C'est mon père qui me l'a dit. Fessier ses pères. Enfoncer le calife. King Jules s'enfonce sous mes doigts. Mes doigts s'enfoncent dans King Jules. Tu les aimes. Rendez-moi. Le roi Jules est déchu. Il est déchu. Tu les dors qu'à du jus. Qu'à du jus sous ses os. Tu les aimes sous les os. Et ta masse. C'est tout dans King Jules. Le roi Jules est déchu. Tu les aimes pour le relais. On en fait du HGI. Tu les dors sous les restes. Le roi du lait déchu, c'est la condamnation de l'électe. Le roi du voleur. Qui est-ce que tu as joué? Qui est-ce que tu as joué? Qui est-ce que tu as joué? Qui est-ce que tu as joué? Qui est-ce que tu as joué?